Gabriel, Fred, Ashburn, USA. Voilà. Oh la décalégina, décalégina, décalégina. Réveillé. Ria, ria, ria, ria, ria, ria. Chimbalcha, Columbus, Ohio. Décalé coupé, décalé manco, décalé coupé. Allez, fais ton malin. Avec les gars dans mon lit, avec les gars dans mon lit, ah, et des cadets coupés dans mon lit, on va couper des cadets dans mon lit, ah, avec les gars dans mon lit, avec les gars dans mon lit, allez couper, couper dans mon lit, allez couper, couper dans mon lit. Diblo Dibala, ami des amis. Alexandra Céline, Linda Claudia Ngo, Angélie. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Eva Gaël, Paulette, Yvitiel, Héloïse. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Tongo Motema, coupé, décalé, Nganana, Linginza. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Karina, Erika, Maki, Célicie, Liango, Cristal. Cœur brisé, je t'aime. Sans Anaïsa, Jessica, Rakile et Bélem. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Ongo Motema, cœur brisé, Ngo, Mabazo. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Oh la décalégina, décalégina, décalégina. Réveillé, ria, ria, ria, ria, ria, ria. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Chantal et Flore, bisous. Yannick Islambo, remontez la guitare. Bouya bouya kadota nene, binu muka naga singa bolo kotina. Bouya bouya kadota nene, binu suka naga puna bolo kotina. Bouya bouya kadota nene, binu muka naga puna bolo kotina. Oye tibidi tun tun tun tun sambo bona kubenga nene. Bisous à Tia de la part des cœurs brisés. Cœur brisé, je t'aime, l'envers. Yoane Kati Simone Aminaye. Cœur brisé, je t'aime, l'envers. Sami Yannick Hervé Grasse et Kevin. Cœur brisé, je t'aime, l'envers. Oh Angela Desabine la Guadoukéenne. Et dans Schengen, welcome and go, on dit yeah. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Mego, Célija, Steven, Baratengo, Milan, Douchale. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Oh, Manango, yé, cœur brisé, yé, yé, coupé, décalé. Cœur brisé, je t'aime, l'envers, l'envers. Salut Béatrice, Rolien Mbemba. Nassé à Mangolo, la rue Madiane, un plateau de 15 ans, de Langobana. kwenda kwenda kulandula de mwana mama lufumbi kwenda kwenda kulandula de mwana mama lufumbi anadeta kuna bango babengi garala de mwana lufumbi anadeti kuna babengi kawatambi tata lufuma Blanchangwe kwenye amista dani Bosta pande litonga ikoti Bosta pande litonga ikoti Bosta pande litonga Bosta pande litonga ikoti Bosta pande litonga ikoti Bon, tranquille, mais tu as confiance.